Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Comment ça va, Roman? Ça va bien. On se retrouve pour la première fois depuis un certain temps. Bah, un mois complet de pause, mais pour un long marathon, parce que oui, suite à ton idée, c'était ton idée à la base, t'as une charmante proposition. Je suis génial. C'est le premier jour d'un calendrier de l'Avent filmique qu'on va faire, où effectivement, chaque jour jusqu'au 25 décembre, on va vous offrir, c'est notre petit cadeau pour vous, une chronique de film. Alors ce sera sûrement des pastilles entre 15 et 20 minutes en moyenne. Certaines contiendront un film, d'autres en contiendront plusieurs. Il y a du très bon film, il y a du très mauvais film. Sachant que tous ces films sont autour de Noël. Oui. Alors, c'est toi qui as fait une grande partie de la sélection. Moi, j'ai juste rajouté mon grain de sel sur certains. C'est ça. Et vraiment, il fallait Noël. C'est-à-dire, c'est pas décembre, c'est pas l'hiver, c'est pas la neige. C'est pas le nouvel an, c'est vraiment Noël. C'est Noël. Voilà. Noël. Et également, on s'est interdit toutes les crasses, genre Mother Krampus, Santa Killer numéro 32. Non. On a pris des vrais films, pas, enfin des vrais films. On va voir qu'il y a vraiment des trucs compliqués, mais on n'a pas pris des DTV tout pourris, genre vraiment moisis, parce que même sur Krampus, c'est compliqué, étant donné que le meilleur film de Noël, enfin d'horreur de Noël, a été pris l'année dernière. Donc ça nous laissait, on va dire, plusieurs choix. Ouais. Alors, pardon, je rectifie, on a une exception. Une exception? Alors, ne divulguons pas tout de suite. Mais qui sortira sur la première moitié de ce calendrier de l'Avent. Et donc voilà, un épisode par jour, des petites pastilles, on espère que ça vous plaira évidemment. Et je propose qu'on attaque tout de suite avec jour 1 du calendrier de l'Avent. Quel est le programme de ce jour 1, Roman? Alors, ce jour 1, on va s'attaquer non pas à un, mais deux films. Et oui, vous êtes gâtés, mes loulous. Mais après, vous avez vu le titre de l'épisode, vous avez sûrement vu l'image, donc bon. Mais donc, on va s'attaquer au début, aux deux premiers films de la saga Douce Nuit, Sanglante Nuit, Silent Night, Deadly Night. Que dire? Déjà, on peut dire que c'est peut-être la saga la plus connue sur Noël. Enfin, la saga de films d'horreur la plus connue sur Noël. Ouais, bah c'est une saga assez longue. Alors, 5 films. 6 si on compte le remake. 6 si on compte le remake, effectivement. Donc, et spoiler, on va traiter des 6 films. On va traiter effectivement des 6 films. Alors, très rapidement, toi, c'est Silent Night 1. Tu l'avais déjà vu avant le podcast ou pas? Je l'avais déjà vu, j'avais vu le 1 et le 2. Alors, comment c'était? On commence par le 1, Commençons par le 1. Et bah, long. J'ai assez de mal avec Silent Night, Deadly Night 1. Je veux dire Douce Nuit. Mais avec Douce Nuit parce que c'est un slasher qui met du temps à slasher quand même. C'est-à-dire, on a la scène d'intro et après on a rien pendant quasiment la moitié du film. Oui, mais je dois admettre. Alors, moi, forcément, je dois admettre. C'est un film pour lequel j'ai quand même une grosse sympathie. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a la scène d'intro, effectivement, qui est pas exceptionnelle. Globalement, c'est... Ouais, voilà, un jeune voit ses parents se faire tuer par un bonhomme déguisé en Père Noël et traumatisé. On rappelle, le mec déguisé en Père Noël vient de braquer une station-service et vient de tuer... Le vient de tuer le pompiste pour 32$. Ça paye plus d'être le Père Noël. C'est ça. Donc le mec s'est fait canner pour 5 kebabs. Et donc, il se fait traumatiser par ce charmant individu déguisé en Père Noël, se fait ensuite remartyriser par la mère supérieure d'un orphelinat. Moi, j'ai une théorie comme quoi c'est Princesse Sarah version hardcore, globalement, ce qu'il vit, sans les tâches ménagères. Genre, il se fait juste taper dessus. Et des années plus tard, j'avoue que j'adore cette logique du film qui est « C'est un jeune homme visiblement traumatisé par le Père Noël, où est-ce qu'on peut le faire bosser dans un environnement de travail sain ?» qui bienveillant, qui lui permettra d'aller outre ses traumatismes, un magasin de jouets. Et ça, c'est ça, c'est génial. Et donc, ouais, qui est joué par un acteur très mauvais, d'ailleurs, mais la mauvaise qualité de l'acting est une globale constante dans la saga. C'est oui, ça. Sur 6 films, je pense qu'il n'y en a pas un où on se dit, l'acting, en vrai. Non, il y en a... Moi, sur tous les acteurs de la saga, j'en ai 2, où je me dis pourquoi pas. Malcolm McDowell? Même pas. C'est même pas lui. Il se retrouve à se déguiser en Père Noël, et suite à un réveil de ses traumatismes, va partir dans une furie meurtrière pour tenter de tuer à peu près tout ce qui lui passe sous la hache. Pas ça, les gens passage. Les nautis. Alors oui, c'est vrai que ce trope de dire nautis avant de tuer quelqu'un, ça peut donner un côté un peu étrange, on va dire, à certaines scènes. Oui. Mais donc, alors, après, voilà, pourquoi est-ce que j'aime bien le film ? Donc il y a la scène d'intro que j'aime, alors je vais pas dire j'aime bien, mais tu vois, fait ce qu'on lui demande de faire. C'est un film sorti en 82, donc c'est clairement sorti sur la 84, hein, c'est clairement sorti sur la vague d'Halloween. C'est-à-dire que après Halloween, on a vu le massacre à la Saint-Valentin, on a eu Saint-Valentin qui était fait, on a eu nuit le Nouvel An qui était fait. On a même le 1er avril. Oui, pour le truc sur moi j'aime à l'appeler l'ancêtre de Scream, mais après le Fool's Day. Weekend de terreur en français, ouais, Weekend de terreur. On n'a pas eu Pâques, je crois. On a eu des films sur Pâques, mais arrivés après, ça va être Night. Ouais, c'est ça, on a eu tout ce qu'on a eu à peu près. On a même eu St. Patrick's Day avec la prochaine, mais des années plus tard. Donc oui. On a à peu près tout eu. Les films sur Pâques, c'est globalement des espèces de lapins killer bunnies, des trucs comme ça. C'est ça, ouais. Mais donc, c'est clairement un film opportuniste sur Noël. Totalement. Bah, le réal a dit d'ailleurs que genre, les slashers, ça n'intéresse pas. Ça se voit. Mais voilà, je suis forcé à admettre que toute la première partie dans L'Enfant Indomné, moi, me fait quand même assez rire. Il y a un côté très con. Honnêtement, c'est tellement abusé dans le fait qu'il se fait taper dessus par tout ce qui... Genre, il a rien demandé, à un moment, juste, malgré lui, il tombe sur l'une des bonnes sœurs qui se fait saillir, on va dire, par son bien-aimé. Deux personnes qui font... un coït. La bête à dodo, on appelle ça. Mais donc, ouais, il se fait complètement tapé dessus alors qu'il n'a pas demandé à le voir. Et puis ensuite dans les marques, pour le coup il y a quelques meurtres un peu sympas. Oui, le marteau dans le crâne, ouais, la luge. Oui, la décapitation à la luge, ça c'est sympa. Et je dois admettre qu'il y a une scène qui m'a vraiment fait mourir de rire, c'est le fait que moi, il repère quelqu'un déguisé en Père Noël, il lui tire dessus, et c'était pas lui. Il fait mais il aurait pu se retourner quand on lui a demandé de s'arrêter, il était sourd. Oui. C'est complètement con, mais ouais, ça me fait plutôt rire. Manon, il est classe, c'est un film globalement insignifiant. Et je pense même pas que ce soit le meilleur des 5. Ah, c'est clairement pas le meilleur des 5. Je pense que c'est le mieux gaulé, mais c'est peut-être pas la... C'est clairement... Après, bon, les 5 ne volent pas très très haut. Déjà de base. Mais ok, c'est quelque chose à rajouter ? Non, mais ce que je me dis, c'est qu'il vaudra toujours mieux que le 2. Enfin, l'avantage, c'est que si on l'a vu... Alors, faut pas faire la même erreur que moi, faut pas l'enchaîner avec le 2. Ah ouais, je l'ai fait aussi. Ah bah, parce que dans le 2, t'as quoi, un tiers. 2 ? Mais du coup, attendons qu'on parle du 2. Mais du coup, ouais, perso, je suis pas du tout aussi client que toi sur Silent Night 1. Oh. Alors, je t'ai dit, je trouve ça vraiment assez long. Pour le coup, le perso principal est quand même très insipide. Pour le coup, je dirais pas qu'il est insipide. Moi, je vais pas dire que je suis attaché à lui, mais j'ai ni pour ni contre, bien au contraire. Quoi. Je regarde ça de... J'ai pas d'agressivité, d'hostilité vis-à-vis de ce charmant biais. C'est exactement ce que tu veux dire, insipide. Hein. Même pas forcément insipide, quoi. C'est juste... il est, ma foi, charmant. Il fait sa vie de... Il aide à soulever des caisses dans son magasin, c'est déjà très bien. Il porte des enfants pour qu'ils attrapent des petits-enfants, il est adorable. Tu vois, c'est un personnage de téléfilm de Noël. Alors, peut-être un peu mieux, quand même. Le film de Noël, c'est genre 2, 3, 4 et 5. Ouais. Mais pour le coup, bah, contrairement à beaucoup de slashers, où là, on va suivre les survivants, là, bah, on va suivre le tueur, et bah, il se trouve que le tueur n'ayant pas la tâche qu'on pourrait avoir pour une Final Girl, par exemple, bah, va tout de suite... en tout cas, pour moi, il me paraît quand même bien un fan, le petit... c'est quoi, c'est... Billy. Oui, et le 2, c'est Ricky, c'est ça. Ricky, ouais. Ouais. Alors, pour le coup, il y a un propos assez intéressant sur le conditionnement, sur le fait que... Moi, j'irais pas jusqu'à dire un propos. Non, c'est un cadre qui est posé. Mais dans le côté, si on te conditionne, à détester les gens méchants, tu vas... Enfin bref, C'est plus un cadre qu'un vrai propos, parce le coup, c'est un point de départ d'intrigue, mais qui va jamais amener à quoi que ce soit. Oui, mais juste, sans la mère supérieure, il aurait tué personne. Oui. Il avait pas été torturé psychologiquement par la mère supérieure. Oh, on sait pas, hein, parce qu'il est déjà sorti bien secoué quand même de son... bien secoué du fait que ses parents sont morts, donc pour le coup... Oui, mais c'est la mère supérieure qui lui dit... tu vois, eux, ils auraient été punis parce qu'ils auraient été méchants. Ouais, mais je sais pas si c'est ça qui a lancé la chose. Hein. Je suis pas si sûr. Un petit mélange des deux. Peut-être, mais j'ai du mal à voir le côté vraiment conditionné. À nouveau, pour moi, c'est plus un cadre que vraiment une réflexion qui est amenée. Bah, pour le coup, si réflexion y a, elle est quand même assez mal exploitée. Bah, le simple fait que la mère supérieure ne meurt pas... Mais c'est exactement ce que j'allais dire. À la fin, ouais. Si jamais il y a un propos, dans ce cas, il est vraiment dégueulasse. Quoi. C'est pas dégueulasse. Non, parce que du coup, tu peux aller jusqu'à dire oui, l'institution reste, etc. Mais je pense que c'est prêter trop d'intention au film. Ouais, puis quand tu sais aussi que le réal est cato bien. Voilà, accessoirement. Accessoirement. Là, je pense que lui, ce qu'il voit faire la marche perdue, il fait ça, c'est bien ça. Ça, j'aime bien ça. Mais pour le coup, alors, j'aime bien certains meurtres, genre enfin, l'originalité de certains meurtres, mais. Bah. En termes de mise en scène, c'est. Non, il n'y a rien. Non, c'est, voilà, c'est ça. C'est du téléfilm, quoi. C'est vraiment du téléfilm. Bah, c'est ça. C'est-à-dire, on peut avoir des meurtres géniaux, mais typiquement, le Vendredi 13. À part une mise en scène de ouf pour ses meurtres. Non, mais il a été fait pour la thune, hein, donc. Oui, mais comme ça, c'est exactement comme pour Silent Night, c'est un. Ça veut surfer sur Vendredi 13. Sur Halloween. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais. Je pense qu'une des raisons qui fait que je l'aime aussi, c'est toujours sur Creepshow, c'est ce côté agréable des films d'horreur des années 80. Parce que nous, t'as ce grain d'image, t'as le côté un peu con, t'as le fait qu'il genre, dure 1h30, même pas, je crois, il dure 1h20 et quelques. Et moi, je sais pas, c'est toujours un cadre que je trouve extrêmement agréable en fait à regarder. Après, non, je vais pas me relever la nuit pour le défendre, et clairement, je me sens pas l'obligation de me battre pour 12 nuits sanglantes nuits, mais je sais pas, j'ai du mal à le détester surtout. Dans les océans de slasher qu'il y a eu dans ces années, dans les années 80, pour moi c'est loin d'être un des pires, hein, vraiment. Il y a, je sais pas, juste là en tête, je peux te donner 3 Vendredi 13 que je trouve infiniment pire que celui-ci. 3 ? Ah ouais, 3, mais sans problème. Là, je peux te donner le 8, c'est là. 5, 8 et 9. Même le 10, je le trouve pire. Le 10, alors, qui sont pas sortis des années 80, mais même le 10, je le trouve pire. Oui, parce que le 10, c'est genre 2002, un truc comme ça. Mais le 10 qui est littéralement un film promotionnel pour Freddy contre Jason. Ah bah quel est, ouais, super donc, ouais. Mais non, mais c'est pour ça, c'est un film, c'est agréable. Je dirais pas que c'est incroyable, je dirais que c'est très agréable à regarder. Ouais, tant mieux si tu agréabilises ce moment, perso. C'est ni agréable, ni désagréable. Le film et moi existons dans la même réalité, et on va s'arrêter là. Mais est-ce que tu vas t'arrêter au même endroit avec le 2? Ah mais le 2, mais je bois de l'essence, je lui pisse dessus. Et je crame mon meilleur cigare sur son cadavre. Ouais, je pense que c'est pas le pire de la saga. Hein. Ah, pour moi, si. Ah, je trouve vraiment pas. Je trouve que c'est le plus malhonnête, mais c'est pas le pire. Parce qu'au moins, t'as des meurtres, quoi. Au moins, tu t'amuses un peu. Enfin, un peu, vite fait. Et t'as le côté nanar, vraiment, le 2 est quasiment plus connu que le 1. Mais la VO du 2, oh, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Carl Zero joue bien à côté de Eric Freeman. Le personnage du 2. Alors, évidemment, le Garbage Day est connu, il n'a pas une réplique de juste. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'est pas acteur. Et effectivement, non. À la base, il devait être juste un figurant ou un troisième, quatrième rôle. Et en fait, l'acteur qui devait jouer donc Ricky adulte s'est barré. Donc, on lui a fait, non, mais vas-y, viens, tu joues un peu ça, vas-y, pousse les potards, t'inquiète, ça va être bien. Donc, voilà, donc le 2 est complètement malhonnête, notamment avec son usage de un tiers du film qui est fait de stock footage du 1, où c'est littéralement. L'histoire du 1 qui est racontée. Avec une voix off. Avec une voix off mal jouée. Oui. Mais j'avoue que ça, moi, c'est vraiment un nanar. Je rigole énormément devant le 2, quoi. Ah, moi non. Ah, mais les dialogues. Devant chaque ligne de dialogue est un long moment de solitude. Et la seule actrice pas dégueu, qui est la copine du héros, au moment où elle meurt, tu sais que là, c'est bon, c'est parti. C'est jusqu'au bout, tu t'amuses, quoi. Ah, non, mais c'est. Incroyable, il n'a pas une mimique de juste, c'est trop drôle. Et alors pour le coup, la VF le rend bien, ça. Alors pas pour le Garbage Day, mais pour tout le reste, il a vraiment, surtout dans sa narration des événements du 1, il a cette espèce d'accent, mais vraiment de routier. Le routier à la robe zombie. Non mais c'est... Bah, pour le coup, moi j'ai jamais vu en VF, j'avoue que j'ai les nanars en VF, évidemment certains passent beaucoup mieux, mais... Hitman le Cobra. Comment ? Hitman le Cobra. Mais celui-ci... Tout le monde m'a dit garde la VO, elle est bien meilleure. Et vraiment, Silent Night, Deadly Night 2, mais. Oh, en plus, il n'y a rien qui va, t'as des acteurs qui changent au milieu du film, t'as des effets de montage complètement pétés. En fait, sur l'échelle Nicolas Cage, on est sur un très solide Jujitsu. On est sur un très très solide Jujitsu. Et c'est. Ah oui! Détail génial sur... Enfin, détail génial. Non, peut-être pas génial. La fin de Silent Night, Deadly Night 2, qui est juste un clin d'œil complètement putassier sur le fait que... Hey, t'inquiète, il a survécu, ça continue. Mais à la limite, ça a terminé, je me disais, mais oh, mais remettez-moi une dose. Remettez-moi une louche de dialogue attends, comme attends, ça. Attends, est-ce que tu viens de spoiler Silent Night 2? Mais attends, mais les gens sont chauds de voir, là. Ah non, tu vas gâcher le plaisir aux gens qui veulent authentiquement se faire transporter par le film. Alors, oui, tu peux te faire transporter, mais alors c'est dans des dimensions dans lesquelles je n'accompagne personne, mais... En fait, je pense qu'une autre raison qui fait que j'aime... Je ne vais pas dire que j'aime beaucoup Silent Night 2, c'est faux. J'aime beaucoup Van Helsing, c'est ça. Mais Silent Night 2, c'est le côté... On parlera un jour de Van Helsing. Vrai, authentique, catastrophe industrielle. T'as vraiment tout qui est là, quoi. C'est l'Arthur Malédiction de l'époque. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Comment ça a pu arriver? À nouveau, je t'avoue. Cette même théorie de... Tu sais, hein, quand tu fais un film, c'est quand même des thunes qui sont engagées et tout. Je crois qu'il était fait pour à peu près 100 000 $. Et t'investis de l'argent, donc t'espères un retour à fortiori. Tu fais tes choses, tu tournes le film, tu le montes, etc. Tu le mets en salle de montage. Qui s'est dit, ouais, là, on va entuber les gens. Là, 250 000 $. Ah bah je les vois pas. Ah j'ai mis un petit idée sur où ils peuvent être partis, mais ils sont pas à l'écran. Et c'est... Non, c'est, comment quelqu'un a pu se dire, là on va entuber les gens, c'est génial. C'est génial, vraiment, c'est... Enfin, c'est génialement con, mais c'est génial quand même. Alors, tu parles d'Arthur Malédiction, pour le coup, honnêtement, je pense prendre plus de plaisir nanardesque devant Arthur Malédiction que devant... Oui, non, mais Arthur Malédiction, c'est historique. Arthur Malédiction, c'est historique, mais... Les dialogues de Silent Night, Deadly Night 2, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ouais, mais pour le coup, en fait, tu tournes assez vite en rond. C'est, Non. Ah non, il relance... Genre, à chaque fois qu'il parle, il relance l'intérêt. C'est... Alors, quand les autres parlent à sa place, c'est chiant, mais quand lui parle, c'est... Mais t'arrêtes pas, fais-moi un monologue. Tu sais, là, j'ai des images, je veux le voir dans un film de procès. Je me dis, mais Eric Freeman dans un film de procès, mais il te ferait libérer n'importe qui. Juste... Juré numéro 2 avec lui, tu vois. C'est ça, genre, Nicolas Hoult de quoi, Tony Collette de quoi. Non, Eric Freeman, je veux dire. Ce type, mais c'est... Et d'ailleurs, j'ai vu un truc, il y avait une édition Blu-ray du film, parce que le film a un vrai statut culte aux États-Unis. Ouais. Il y avait une édition Blu-ray qui devait être faite, et personne n'a pu retrouver l'acteur. On savait pas où il était, juste pas trouvable. Et il a été retrouvé, il est réapparu sur un commentaire audio du film en 2018 ou 19, si je ne dis pas de bêtises. Mais depuis, il a un site... The Eric Freeman website.com, où j'ai plus le détail exact, où en fait, visiblement, il est vraiment... Tu peux dire que c'est, je sais pas si c'est dédié à lui, mais ouais, c'est, si tu veux, une dédicace, peut-être qu'il peut te faire un message audio si t'as de la chance, tu vois. Est-ce qu'il te fait une dédicace à 36 € comme Human Shape? C'est Kevin Sorbo qui vend des figurines pop à 55 balles avec sa dédicace. Oh. Avec de la chance, parfois il peut peut-être t'imprimer un avis Twitter qui poste et te le met dans la boîte si t'as de la chance. Si je meurs, faites un livre à partir de mes tweets. Non, t'as ça, ou alors t'as le côté... Il avait tweeté quoi déjà? Oui, Ah oui, mais au juste... Quand est-ce que le climat n'a pas changé? Il y a ça, ou alors, ça c'était mon petit tweet préféré, c'était cher système immunitaire, je crois en toi, même si apparemment c'est pas le cas de tout le monde. Pile pendant le Covid. Ah, c'est quelqu'un de bien, Kevin Sorbo. Mais on parle d'un mec qui est dans Spartan, oui, à ce moment-là. Dans Spartan, non, on parle surtout d'un catho intégriste reconverti qui aujourd'hui fait des films pure flix. C'est lui dans God's Not Dead 1. Oui, mais est-ce que c'est pire que Spartan, oui? Oui. Ah oui, God's Not Dead 1, c'est bien pire que Spartatouille. Ah, de très loin. God's Not Dead 1, c'est agressif. Spartatouille, c'est agressif, mais bête. God's Not Dead 1, c'est agressif et vraiment dangereux. On fera un rétrospectif pour les Fencer et Purflix. Non. Ah ouais, alors non. Pour rester dans la thématique, c'est un chemin de croix que je suis pas encore prêt à faire. Je suis pas encore prêt à le faire. Est-ce que t'en veux encore quelque chose sur Silent Night, Deadly Night 2? Bah que clairement je suis pas du tout aussi client que toi. Pour moi c'est honnêtement le pire de la saga, même si le 3 le talonne, mais de... Ah pour moi, vraiment le 3, pas grand pour moi chose. Le 3 est pire. Parce que moi Silent Night 2 je m'en rappelle. Et je m'en rappelle relativement avec un sourire amusé. Silent Night 3... Bon, on en parle demain, mais... C'est ça. Mais pour moi en fait Silent Night 2... Sans la scène de Garbage Day, le film tombe dans l'oubli total. Ah je suis pas du tout d'accord. Ah vraiment, en anglais je suis sûr t'as trop de répliques cultes. T'as trop de répliques incroyables. La scène du parapluie. La scène du parapluie où il plante le mec avec le parapluie. D'ailleurs, quand tu zoomes dessus, on dirait vite fait le logo d'Umbrella dans Resident Evil. Mais ça, c'est mon côté gamer. Non, genre, quand il parle avec le psy et qu'il est passif agressif sans aucune raison, c'est. Y a pas un truc qui peut pas être sorti et fait en message audio, quoi. C'est trop drôle. Vraiment, c'est trop drôle. Après, je pense qu'en VF, ça doit être un peu. Je crois que c'est quoi en VF le Garbage Day? Bah je t'avoue que je l'avais mis en VO pour cette scène-là. Ah bah voilà, mais c'est genre, ouais. Je sais pas, on sort les ordures, un truc comme ça. Oui, je crois que c'est le jour des ordures, ouais, on sort les ordures. Ouais, moins intéressant. D'ailleurs, il y a une ref à ça dans le remake. Bah oui, alors le remake, c'est que t'as une ref à peu près à tous les films, à peu près à tous les films de la saga, plus ou moins discrète, mais ouais. Voilà. On s'arrête là, du coup, pour ce jour-là? Ouais, bah juste, ouais. Fin du jour 1. Ouais, globalement, Silent Night 2, bon, il divise, hein, oh, à la rédaction. C'est très drôle, c'est très... En fait, Silent Night 2, faut le voir... comme le plus gros foutage de gueule du cinéma. Et mais je... En fait, il faut vraiment amener le débat. C'est que je pense que, vu l'industrie cinématographique actuelle, lui permet de ressortir. C'est que je pense que je vois tellement de foutage de gueule en salle, régulièrement, que je me dis que je vois ça, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas? Bah pourquoi aussi? Bah pourquoi? Oui, mais alors, tu préfères quoi en foutage de gueule? Tu préfères un truc pas terminé ou un truc juste con comme la lune? Mais il est pas terminé vu qu'il manque un tiers. Alors non, il manque pas un tiers. Le tiers est rempli. Il est rempli de façon malhonnête, mais il est rempli. Donc tu préfères quoi? Un truc pas terminé ou un truc con comme la lune et éventuellement un peu frauduleux sur les bords? C'est pas le premier film frauduleux, hein. Je rappelle qu'on a chroniqué un film financé par la mafia. C'est vrai, Mausoléum. Allez voir l'épisode participatif, bah, l'écouter. Donc, tu préfères quoi? Pas fini ou frauduleux? C'est quoi ton exemple de pas fini? Ant-Man 3, ah, je peux tous les faire. Ant-Man 3, The Flash, le parangon de ce système-là. Baggy 3, en termes de film, est-ce qu'on peut... Il y a aussi les Indiens qui finissent pas leur film. Alors, je préfère Silent Night 2 à The Flash. Merci, quand même. Mais je préfère Ant-Man 3 à Silent Night 2. Oui, non, mais ça, c'est que t'aimes te faire du mal. Sûrement. On arrête là pour cet épisode-là? On arrête là. Fin du premier jour? Ouais, conclusion, tout dépend de votre tolérance au nanar. Ah ouais, Silent Night 2, faut une tolérance élevée. Ouais, élevée, vraiment. C'est-à-dire que... perso les nanars ou juste passer le concept. Typiquement, c'est le même problème que j'ai avec The Room. Par exemple, The Room, j'adore la première moitié. Ouais, je vois ce que tu deuxième veux dire. Deuxième moitié, en fait, vu que il est constamment con, mais il se renouvelle beaucoup dans la connerie au début et beaucoup moins sur la fin. Pas forcément d'accord sur le côté qu'il se renouvelle pas, mais en revanche, effectivement, en fait, faut être accroché au côté. C'est un personnage qui va porter le nanar. Dans The Room, c'est clairement Tommy Wiseau qui fait. Je sais pas, 80% de la nanardise du film, oui. Je trouve. Et là, c'est ce cher Eric Freeman qui fait 118% de la nanardise du film. Et donc, on se retrouve demain.